une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode du documentaire de Michel Pomarède et François Test, c'était l'enfer. L'enfer, c'est comme ça qu'on appelle les phares en pleine mer. Nous avons fait la traversée, avec eux, ballottés par les vagues. Puis, le pied pas très sûr, nous avons débarqué sur le rocher de granit pour découvrir le phare de Thévenec, au large de l'île de Sein. Toujours en compagnie de notre guide, Marc Pointude, aujourd'hui, nous faisons connaissance de ce curieux endroit où, pour l'instant, nos seuls amis sont trois phoques et des centaines de cloportes. La recouvrance de Thévenec. Plein feu sur le phare de Thévenec. Michel Pomarède, François Test. Oui, bonjour, on passe sur quel canal ? Canal 6. Bien reçu, 6. Deuxième partie. Une chapelle en pleine mer. Oui, bien reçu, bonjour. Quelle route ? Île de Sein. Île de Sein, bon ben oui, pas beaucoup de vent, hein. Dans le nez surtout quoi, mais demain ça sera mieux. Oui, demain, normalement. Oui, puis une belle soirée quand même. Belle soirée, puis quand on regarde à la côte, on se dit qu'on est aussi bien là qu'à la côte quoi. Ça c'est vrai parce qu'il paraît qu'il pleut pas mal sur la côte. Il pleut des cordes, je confirme, on s'est rapproché tout à l'heure du cap de la Chèvre. Ça sentait l'humidité à plein nez, du coup on a repris route vers ça. Ah bon, bah c'est bien, bah, faut toujours être au large, on est quand même mieux. Hein. Souvent c'est le cas, oui. Bon, ben bonne route et puis à bientôt. Merci, ben, bonne veille et à bientôt. Merci. La veille, c'est-à-dire veiller sur le feu, c'était le travail traditionnel des gardiens de phare qui se sont succédés à Thévenec jusqu'en 1910. C'est un peu ce qu'a vécu Marc Pointude pendant 69 jours en 2016. Un séjour dans des conditions spartiates. Marc Pointu ? Oui. On est dans votre pièce à vivre ? Voilà, 6 mètres carrés, côté est, avec une jolie vue sur la mer. Puis très très simple, hein, un lit, une bâche au plafond pour éviter l'humidité qui tombe du ciel, et puis deux tréteaux, dont un qui sert pour la cuisine avec le réchaud, et puis un autre qui, quand c'est pas encombré, sert de bureau. Et alors, vous appeliez ça tout à l'heure une cabine ? Bah, c'est presque une cabine, oui, parce que ça fait un petit endroit fermé. Alors là, ça se ressent pas trop aujourd'hui parce qu'il fait beau. Mais quand il y a du mauvais temps dehors, que ça pleut, qu'on entend les vagues, que ça passe devant, les vagues passent devant, là, derrière la fenêtre. Hein. Alors là, on est content d'être un peu enfermé ou un peu serré, quoi, un peu au chaud. Quoi. C'est le principe des bateaux. Hein. Au menu ce soir ? Alors, je crois qu'on est sur un cassoulet à la graisse de canard. N'est-ce pas extraordinaire ? Et puis, je vais m'apprêter à ouvrir un baume de Venise, qui me paraît fort bien. Il y a 2 ans, pendant 69 jours, vous aviez établi des menus à l'avance, vous aviez assez de vivres parce que vous n'avez pas été ravitaillé. Comment vous avez fait ? Ah ben j'avais tout amené, on avait tout prévu. C'était plus modeste, je tiens à le dire tout de suite. Là, on est dans l'exception pour vous recevoir. Mais mais c'était plus modeste. Mais non, c'était bien. J'avais des bons produits bio, des bonnes conserves, des bonnes choses. Et puis surtout, j'avais du frais. Parce que, par exemple, les pommes de terre, ça se conserve. Quand on est là, on n'est pas là, bien sûr que non. Mais des œufs, etc., des salades qui tiennent plusieurs semaines. Hein, quand, le tout, c'est de les enfermer dans des gros sacs en papier très épais. Ça tient. Donc j'ai mangé des choses fraîches. Et puis il y avait des fruits, voilà, des choses qui restent longtemps, comme ça. Est-ce que vous avez pêché ? Ah non, non, on ne peut pas pêcher d'ici. Parce que vous avez vu, les pentes, c'est loin. La mer est loin, donc il faut s'approcher, c'est dangereux. En plus, quand on est seul, c'est pas évident. Et puis, la roche glisse dans les trois derniers mètres. Et puis, il y a toujours la vague qui peut passer. Puis, en plus, j'étais en période d'hiver. Donc, tout ce qu'on voit là, c'était quasiment recouvert tout le temps. Donc, parce que les vagues venaient là sous la fenêtre. Hein, donc, au pied du petit muret, là. Donc, on oublie. Oh, puis après, pêcher, qu'est-ce qu'on trouve ? On va trouver un gros poisson, on n'en mange qu'un morceau, le reste, on est obligé de le jeter parce que j'ai pas de frigo, donc ça sert à rien. Voilà. Puis ça fait beaucoup de vaisselle, enfin, c'est tout ce qu'il faut éviter. Alors, vous avez mangé aussi du pain marin, cuit trois fois, expliquez-moi. Oui, bah, c'est du pain, genre pain de campagne, mais qui est cuit trois fois, de façon à ce qu'il soit bien... que l'humidité soit bien enlevée, quoi. Le pain moisi, quoi, à la fin, quoi. Ça, c'est clair. Donc, dès qu'il y a du soleil, on sort tout. Quand il y avait du soleil, je sortais tout. Le pain, les oignons, les pommes de terre, pour tout redonner un petit peu de sec. Mais en fait, c'est assez illusoire, parce que ça sèche pas vraiment, ça. Puis, si on le laisse trop longtemps, ça prend autant d'humidité à rester dehors qu'à ne pas être sorti. Donc, c'est pas vraiment un soleil sec, je dirais. C'est pas une atmosphère très sèche, quoi. Est-ce que le pourcentage, c'est 88%? Ah oui, 80 à 100% d'ici. Parce que j'avais un hygromètre thermomètre que j'avais amené pour mesurer concrètement. Donc, j'avais souvent la température entre 8 et 10 degrés ici et l'humidité entre 80 et 90, 95. Voire même plus, parce que souvent, ça ruisselait le long des murs. Hein. Les murs étaient, il y a des grosses, j'ai fait des photos, on voit des grosses gouttes qui perlent partout, quoi. Puis plus on chauffe, plus ça condense. Et la douche en extérieur? La douche en extérieur, mais par beau temps. Oui, un jerrycan suspendu, quoi, pour faire basculer puis prendre un peu d'eau, quoi. Bah oui, se laver les cheveux puis faire un peu de douche rapide, mais au moins quelque chose, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, c'est très sommaire, hein. Très très sommaire. Et donc alors? Alors on va partir sur ce, on va le mettre en route. Il faut prendre déjà. Donc on allume le feu là. Ouais, on allume le gaz. On en ouvre une ou deux peut-être. Tevnek, phare en mer, secteur blanc et rouge, situé sur l'île aux éponymes, à la sortie nord du Ratsin. Allumé en 1875. Hauteur du feu, au-dessus de la mer, 28 mètres. Éclat rapide continue. Portée annoncée de 6 à 9 milles selon les secteurs, de 11 à 17 km environ. Un feu auxiliaire à secteur intense blanc avec éclat continu porte vers le Raz. Hauteur au-dessus de la mer, 24 mètres. Portée annoncée, 12 000. 22 km environ. Et voilà, c'est parti. Marc Pointu, on est maintenant dans l'entrée de Tevnek. Donc, c'est une toute petite entrée, donc on l'a décrite, mais on pourrait dire que comme derrière nous, le sol est jonché de blattes de mer, les murs sont décrépits, les poutres mériteraient 3 ou 4 couches de peinture. Pourquoi vous êtes tombé amoureux de ce phare? Et racontez-moi, vous connaissez l'histoire de Tevnek, mais pourquoi elle vous a touché à ce point-là pour que vous vous empariez de ce phare? Simplement parce qu'ici on est dans un lieu emblématique, je veux dire, c'est le seul lieu comme ça en France. C'est la seule maison phare construite au large. Donc c'est déjà un lieu extraordinaire, emblématique, légendaire, tout ce qu'on voudra. Et puis on avait dans l'association le projet de restaurer un phare en mer. Quelle association d'abord? Alors la Société Nationale pour le Patrimoine des Phares et Balises. Qui a été créée quand? En 2002, donc qui a été une des toutes premières avec quelques spécialistes à dire que les phares c'était un patrimoine qu'il fallait préserver. Et pour revenir au choix de Tevnek, c'est d'abord un lieu mythique, et bien sûr, mais c'est en même temps un lieu dont on peut, entre guillemets, plus facilement s'occuper, tout simplement parce que, certes, le débarquement est difficile, mais une fois qu'on y est, en général, on y est à peu près tranquille, sauf par gros coup de temps ou mauvais temps, bien sûr, mais sinon, on y est tranquille, donc on peut aller venir, sortir de la maison, faire des choses. Un phare comme Armen, c'est un cierge qui est planté dans l'eau, et on ne peut pas rester sur la plateforme du phare, parce que c'est dangereux, donc quand on est au phare d'Armen, ben, on est dans le phare, et puis c'est tout. Pourquoi vous avez fondé cette association en 2002? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie? Et pourquoi le phare? Est-ce qu'il y a des gardiens de phare dans votre famille? Pourquoi ça non, vous a parlé? Non, pas du tout. Moi, je suis du centre de la France. Mais non, mais vous savez, moi, mon métier, ça a toujours été le patrimoine maritime. Autrefois, le service des phares et balises faisait du patrimoine sans le savoir, puisqu'ils entretenaient des dizaines de gardiens, les bâtiments, et il fallait bien que les bâtiments soient convenables pour que les gardiens puissent y aller. Il y avait une flotte pour les amener, les ramener, enfin, il y avait tout un tas d'appareils de toutes sortes à bord des phares, enfin, il y avait une vie. Là, ils ont tout désarmé, tout a disparu plus ou moins, et puis on a automatisé, on a fermé les tours, et au revoir. Voilà. Donc, on s'est dit, à l'époque, je le dis moi, et puis quelques-uns qui m'ont suivi dans le début, peut-être il y a une action à mener. Donc on a rendu un rapport, et dans ce rapport, on demandait trois choses. La première, c'est que les phares qui étaient publics restent publics et soient considérés comme un patrimoine national maritime à préserver, que ces phares publics soient ouverts à la visite. Et la troisième chose, c'est que la gestion de la partie patrimoniale, c'est-à-dire le bâti et tout le reste, soit séparée ou distinguée de la gestion du feu. La gestion du feu, c'est purement la mission de l'État et des ingénieurs des phares et balises. En revanche, dessous, il y a une tour où il y a un bâti qui contient dans ses murs une histoire humaine forte de construction et des fois 110, 120, 130 ans de gardiennage de gens qui se sont succédés et qui ont cru et qui ont fait le boulot. Donc on peut pas d'un revers de main balayer tout ça et puis dire « bon, c'est fini, on n'en parle plus, c'est plié ». Donc peu de temps après, en 2011, on a signé ce qu'on appelle une autorisation d'occupation temporaire avec les services de l'État pour occuper, avoir le droit de séjourner à Thévenec, donc d'avoir la clé, et d'y séjourner en toute légalité évidemment, et de commencer à réfléchir aux moyens de restaurer cette maison. Donc Marc Pointu, vous avez passé 69 jours ici, la médiatisation a marché, les youtubeurs sont venus en octobre 2017, plusieurs centaines de milliers de personnes ont vu leurs vidéos de 25 minutes ici même, mais les retombées financières, c'est quoi? Ah, retombées financières, c'est zéro. Si on a eu quelques dons, on a eu des dons, je ne dis pas quelques milliers d'euros de dons, mais c'est pas suffisant, parce que un simple aller-retour d'hélicoptère, c'est déjà à peu près 5 ou 6 000 euros. Donc, pour faire transporter les matériaux et tout ça, il en faudra plusieurs. Alors, bien sûr, en tant que l'hélicoptère sera dans la journée, il fera tout. Enfin, c'est une opération peut-être déjà la mise en place de 10 000 euros. Henri Chevert, où est-ce qu'on est? Saint et son nom. D'accord, et en face? Thévenec et la France. Alors il paraît que la légende vous précède. Vous connaissez les histoires de Thévenec? Absolument. Lesquelles? L'histoire de la séduisante, quoi. Allez-y. C'était un bateau qui avait 350 Savoyards à bord qui devaient aller envahir l'Angleterre et puis s'était fracassé contre Thévenec. Puis les Iliens avaient été les sauver, ils avaient réussi à sauver 150 ou 170. Bon, ils étaient venus ici, mais ils étaient restés là bloqués, il faisait mauvais temps. C'était en 1700 et quelques, alors. Donc, ils sont restés là. Et après, c'est pour ça que le roi de France a dit qu'il n'y aurait pas d'impôt à l'île de Saint par rapport à ça. Par un décret du roi de France de Louis XVI. Voilà. Mais Thévenec, donc, c'est un lieu de naufrage. Oh oui. On sait que quelques-uns qui ont été, qu'on a su, mais il y a d'autres qui ont été perdus, sûrs et certains. Hein. Et on n'a jamais su. Hein. Et là, il y a plusieurs carcasses autour de ce phare-là. Hein. Je lisais que le plateau de Thévenex a été un cimetière marin de tous les temps. Absolument, pour la raison très simple, que le plateau de Thévenex, comme j'ai déjà dit, barre le nord du Ratzin. Et comme l'eau dans le Ratzin, c'est un tapis roulant, c'est-à-dire qu'à marée montante, la mer vient du sud, enfin la marée vient du sud, et donc va tout droit, traverse le plateau de Thévenex et porte vers le nord, en direction de Brest et bien sûr de la pointe Saint-Mathieu. Et... peu de temps après, à la renverse, c'est la même eau qui repart à l'envers et qui fait le jusant, la marée descendante. Donc voilà, alors ce qui fait qu'ici, si on est pris quelque part dans le Ratzin et qu'on n'est pas en capacité de manœuvrer, alors soit parce que, alors à notre époque, parce que le moteur tombe en panne, ou avant parce qu'il n'y a plus de vent tout d'un coup, même en faisant rien, le plateau, enfin cette espèce de flux qui me pousse vers le nord, l'amène naturellement dans les 10, 20 minutes, 30 minutes qui suivent sur le plateau de Thévenex. Alors il peut passer à travers, hein, on peut pas... il y a de l'eau là par exemple, entre Thévenex et la première roche qu'on voit ici, là-bas, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a 30 mètres de fond. Mais après c'est le hasard, hein. On passe bien, on passe mal. Donc cimetière marin, disais-je, oui. D'où baie des trépassés. Oui, c'est ce qu'on a dit. Bon, là c'est... c'est ce qui s'est dit. Ben, enfin, c'est tout le 19e siècle, ça. Le 19e siècle, il y avait, ben, c'est tout le romantisme aussi, d'une certaine façon. Il y avait une espèce de... Alors, comme on est dans une région profondément et traditionnellement religieuse, évidemment, on va donner dans un romantisme religieux, je dirais. C'est-à-dire qu'on parle, on va parler des morts, de l'encou, des trépassés, etc. Bon, alors on a dit pendant un temps qu'en effet, il y avait peut-être des courants de marée qui ramenaient les corps des victimes en direction de la baie des trépassés, puis qu'on a, on les repêchait. Enfin, ça, peut-être, oui, ça peut arriver. Mais non, logiquement, ça va plutôt vers le nord ou vers le sud. Henri Chevert, vous êtes marin depuis quand? Bah depuis mes 16 ans. Et vous avez quel âge? 60. Vu d'ici, Thévenex, ça ressemble à quoi? On croirait que c'est une chapelle, quoi. Il y a plus d'un touriste qui m'ont dit qu'est-ce que c'est la chapelle qui est là-bas sur la roche? Hein? Pardon. Bonjour. Bah, je crois que sur la, dans la chapelle, il ne doit pas avoir beaucoup de clients. Ils se font rares sûrement. Je dis, mais c'est à part, elle ressemble à une chapelle. Mieux de loin, elle ressemble à une chapelle. C'est vrai. Traditionnellement, quand une religion, quelle qu'elle soit, prend la place d'une autre, l'astuce consiste à réutiliser les symboles de l'ancienne et de les mettre à son profit. C'est ce qu'a fait la religion chrétienne partout. Quand elle dit, par exemple, que Saint-Michel de Brasparts, qui est un mont au milieu des monts d'Arrée, est un lieu de pèlerinage, bien avant, c'est un lieu de pèlerinage des Celtes. Et puis, bon, le menhir, on lui taille une croix dedans. Et puis on construit une chapelle, et puis on dit maintenant c'est Saint-Michel. Et les gens, ils y vont depuis 1000 ans, ils continuent à y aller. Voilà. Donc, si on avait ici construit, parce que finalement, ça va être un peu brouillon, ça paraît brouillon, mais bon, vu de loin, la maison feu avec sa tour de vent sur le caillou, c'est une chapelle au large. C'est un mini Mont-Saint-Michel, entre guillemets. Non mais je schématise, mais vu de loin ça ressemble à ça. Tout le monde parle de la chapelle blanche d'ailleurs, souvent les navigateurs disent « Ah oui, la chapelle blanche, Thévenex, oui. » Mais parce que de loin, voilà. Bon, on aurait d'abord construit une chapelle en disant « Ça va honorer les âmes des morts ici. » Tout le monde aurait applaudi. les prêtres seraient venus, on aurait peut-être fait un pèlerinage une fois par an, etc. Bon. Et puis après, on serait dit, tiens, la chapelle peut servir d'amer, c'est-à-dire de point visible pour la navigation. Et si on l'éclairait la nuit, si on lui mettait un feu, et donc le clocher aurait porté un phare. Et l'affaire était pliée, c'était vite fait. Et tout le monde se serait dépêché et aurait donné son temps pour construire la chapelle. Alors que personne n'a voulu donner son temps pour construire la même chose. Mais ça s'appelait une maison-feu. Donc il a fallu que l'État donne des doubles les primes, promette tout un tas de choses pour que les gens viennent construire. Et ça a quand même pris 5 ans. Et alors après on parle du fait qu'ils ont entendu sur place des voix, des cris. En partie aussi parce qu'ils voulaient faire courir le bruit que c'était hanté, qu'on ne pouvait pas y aller, qu'ils avaient bien raison de dire qu'il ne fallait rien y construire. Mais bon, les cris on les a trouvés. Ce sont les, je ne sais pas si on les aura cette nuit, mais de nuit, quand le temps est beau, là où on est, et puis plus loin, sur les rochers, devant, tout autour, il y a peut-être 200 ou 300 goélands qui viennent se poser pour dormir, enfin passer la nuit. Mais les goélands, ils chamaillent entre eux, en permanence. Donc ils sont là à crier dans un sens, dans l'autre, à se pousser, à bousculer, à voler, à revenir. Mais c'est la place de la Concorde, ici, en été. Hein, c'est fou, hein. Mais avec les cris de goélands. Et là, nous sommes. Et alors, celui qui descend, ce moment-là, je l'ai fait quand j'y étais, parce qu'il y a un soir ou deux, ça a eu lieu. Ben, c'est, tout le monde s'envole, tout le monde crie. Voilà. Donc, on est sur... Alors, ils entendaient « kersuit », comme on dit en breton, comme ils disent. C'est-à-dire, en fait, « va-t'en, va-t'en ». Mais c'est vaguement, peut-être, l'onomatopée du cri du goéland en colère. Hein, voilà. Mais je ne minimise... Quand je dis tout ça, attention, je ne minimise pas la valeur humaine des légendes et des croyances des gens, et je ne suis pas là pour me gausser, comme on dirait. Hein, je suis là pour essayer de trouver une raison logique. Alors après, il y avait des bruits souterrains. Bon, les bruits souterrains, en fait, c'est une faille qui passe d'un côté de l'autre et qui est ouverte, et donc une espèce de grotte allongée qui permet, les phoques des fois la prennent, j'ai vu traverser d'un côté ou de l'autre. Deux plongeurs l'ont trouvé il y a 25 ans à peu près. Voilà. Mais il faut vraiment plonger parce qu'en fait, c'est, le boyau ouvert est beaucoup plus profond. La partie haute, c'est qu'une faille étroite. Donc les lames prennent le boyau, ça résonne dans la roche et ça crée des voies. Voilà, et ça pousse de l'air, ça comprime l'air. Et quand il y a de la houle et qu'on est dans la maison, on l'entend très bien, ça fait un peu le bruit du métro sous un appartement à Paris, tout simplement. C'est un grondement souterrain. Voilà. Dans un premier temps, il faut dire que quand l'État a décidé de construire le phare, personne n'en voulait. On a fait construire Tevennec par les ouvriers qui construisaient Armène. Les deux chantiers se sont déroulés en même temps, parce que Armène n'était pas accessible toujours, et donc dans ce cas-là, on mettait les ouvriers ici pour avancer le chantier, qui a quand même duré 5 ans ici. Les ouvriers qui sont venus ici, ils y allaient à reculons. Parce que d'abord, ils ne voulaient pas y aller, parce que traditionnellement, le caillou ici, c'est le lieu où séjournaient. Alors là, on monte dans des centaines d'années en arrière, peut-être des milliers d'années, où séjournait l'Ankou, c'est-à-dire le messager de la mort chez les Celtes pour les marins, enfin l'Ankou marin, c'est-à-dire celui qui se promène dans ils appellent ça le bagno, c'est-à-dire la barque de nuit. Et donc, de nuit, à bord de cette barque, il parcourt le Ratzin et les eaux du coin, et le marin qu'il voit, ben, il est sûr de mourir dans l'année. On sait que la maison feu est hantée. Oh, ça fait de la superstition, ça. On dit que c'est la maison de l'Ankou. Oui, on dit ça. On dit ce que c'est. Non. Si on avait un diable, on l'aurait bu depuis longtemps. Mais expliquez-moi, l'Ankou, il y en a combien? Est-ce qu'il y a un Ankou marin et un Ankou terrien? Si, il y a deux. Il y a un Ankou terrien et un Ankou marin. Description. Ah ben, lui, il a une faucille, celui qui est à terre. L'Ankou de terre, il a une faucille. Tandis que l'Ankou de mer est sur une barque. Et son rôle? Il vient chercher les morts. Tous les ans, il vient. La Toussaint. La Toussaint, normalement, l'Ankou vient chercher, récupérer tous les clients. Qui sont morts dans l'année. C'est ça, ouais, qu'on dit. Hein. Moi, j'entends toujours ça. Moi, on m'a raconté toujours ça. Vous l'avez pas vu, vous? Oh non. Oh non. Je ne suis pas parti encore de l'autre côté. Heures. Les feux sont allumés, Marc Pointude. Oui. En face de nous, les lumières d'un ferry sont allumées. Oui. Et un avion de la douane. Non, je pense que c'est l'avion de la marine, un avion de recherche. Alors, je ne sais pas ce qu'ils recherchent, mais c'est un avion de la marine, on ne l'avait pas, c'est là. Et ça, c'est la Brittany Ferries. C'est le navire qui revient de Santander et qui va sur Roscoff, je crois. Vous les connaissez par cœur, en fait? Bah, je les ai vus passer souvent hein, pendant mon séjour. Oui, oui, ils passent là. Ils sont les seuls qui sont autorisés à passer dans le Ratsin. Ouais. C'est joli, c'est majestueux de nuit comme ça. Ça glisse sur l'eau. Vous les appelez? Non. Non. On ne peut pas, non, parce qu'ils sont en navigation commerciale, c'est toujours compliqué. Ils sont pas là pour. Voilà, ils sont là que pour des choses sérieuses, on va dire. S'ils veulent nous appeler, ils peuvent. On veille sur le canal 16. Mais bon. Pourquoi 16? Parce que c'est le canal international de veille. Après, on s'appelle sur le canal 16 et on dégage sur une autre fréquence pour ne pas encombrer le canal de détresse, des appels importants. Voilà. Comme vous l'avez fait tout à l'heure. Voilà, oui, mais tout de suite, on est passé en 6. Sur le 16, on est passé en 6. On peut passer en ce qu'on veut, c'est le navire qui dit sur quel canal il faut passer. 6, le chiffre de la lumière. Lumière, absolument. Et 3 fois 6? Voilà. Ensuite, l'encou, le diable. Donc, quand vous étiez à Thévenec, Marc Pointude, vous aviez laissé votre canal 16 ouvert jour et nuit? Pas jour et nuit, mais deux jours, oui. Et puis tout le matin et jusqu'à tard le soir, oui. Oui. Ben, ça permet déjà d'écouter, de passer sur les fréquences météo, et les appels du sémaphore qui disent on dégage sur telle fréquence pour la météo, etc. Permet de se tenir au courant, puis de connaître les appels. Ben, on est dans le milieu maritime, donc il faut savoir un peu ce qui se passe autour de soi. Et j'ai eu des appels des ferriers. Mais bon, ils passaient souvent, ils me voyaient, je suis resté longtemps. Donc à un moment, ils se disent, il y a quelqu'un, quoi. Et là, ce qu'ils ne regardent pas spécialement Thévenec, puis on est de nuit. Donc pour eux, on est un feu de loin, un feu de chenal. Plein feu sur le phare de Thévenec, une chapelle en pleine mer, avec Marc Pointude et Henri Chevert. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomarède. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Il sera question de médium et de cimetière. Mais c'est une autre histoire.